Lorsque l'on apprend une langue, on se retrouve souvent face à des petits dilemmes. En espagnol, on se demande par exemple quel verbe « être » on doit utiliser ou quel mot il faut employer pour dire « pour ». Vous devez être capable de savoir choisir entre « ser » ou « estar », « por » ou « para » pour gagner en aisance à l'oral. Choisir l'un ou l'autre de ces mots implique souvent un sens différent. Donc, avant de terminer cette méthode, j'aimerais vous aider à choisir les mots appropriés. L'essentiel, comme le disait Michel Thomas, est de faire passer la balle au-dessus du filet, c'est-à-dire de se faire comprendre. Pour cela, nous avons vu dans les autres méthodes des éléments de base, et l'un d'entre eux était « para ». Revenons sur ce petit mot. Comment diriez-vous par exemple « ce n'est pas pour vous » ? No es para usted. No es para usted. Voici une autre phrase avec para. ¿Qué tiene para mí? Vous avez recréé ces exemples et bien d'autres encore dans la méthode débutant. Donc, vous connaîtrez déjà la plupart des choses que l'on verra maintenant. Mais des petites révisions ne font jamais de mal pour pouvoir ensuite progresser. En parlant de progression, lorsque l'on se projette dans le temps ou l'espace espagnol, ou que l'on se dirige vers un but ou une destination, on utilise « para » et non « por ». Dans le même esprit, « para » sert à indiquer à qui est destiné quelque chose. Donc, si une lettre se dit « una carta » et que « paquet » se dit « paquete », P-A-Q-U-E-T-E, comment diriez-vous ? La lettre est pour Roberto, mais le paquet est pour moi. La carta es para Roberto, pero el paquete es para mí. La carta es para Roberto, pero el paquete es para mí. Je vous rappelle que l'on ne peut pas faire confiance à carta. En effet, ce mot ne signifie jamais carte, hein, comme on pourrait le croire. Il désigne toujours une lettre. S'entraîner se dit practicar. P-R-A-C-T-I-C-A-R. C'est d'ailleurs un exemple d'un verbe utilisant « ce » en français, mais pas en espagnol. Dis maintenant, pour pouvoir parler correctement, je dois m'entraîner beaucoup. Para poder hablar correctamente, tengo que practicar mucho. Para poder hablar correctamente, tengo que practicar mucho. Pour retrouver « correctamente », vous avez pris le féminin de « correcto », qui est correcta et avez ajouté mente, n'est-ce pas? Para s'emploie aussi lorsqu'on indique un délai, une limite dans le temps. Donc, si quand se dit cuando, C-U, A accent aigu, N-D-O, comment diriez-vous à une personne que vous voyez pour quand vous voulez la voir? Para cuando quiere tenerlo? Para cuando quiere tenerlo? Tener étant à l'infinitif, on lui accole « lo », mais on aurait pu dire aussi « lo quiere tener ». Un autre petit rappel. Lorsque « cuando » est utilisé dans une question, il porte un accent écrit, comme d'ailleurs « por qué », « pourquoi », « cuánto », « cuántos », « combien », « cómo », « comment », « dónde », « où », « quién », « qui », Qual, lequel. Ces mots portent un accent pour indiquer qu'ils sont utilisés dans une question. Dans une phrase non interrogative, ils n'importent pas. Nous allons nous entraîner avec l'un d'entre eux. Comment diriez-vous en utilisant esperar pour attendre et en gardant en tête que cuánto s'accorde avec le mot qui le suit, combien de semaines il faut attendre? Je vous rappelle aussi il faut, qui se dit, hay que. ¿Cuántas semanas hay que esperar? ¿Cuántas semanas hay que esperar? Si le mot qui avait suivi cuántas avait été masculin, on aurait dit cuántos, comme dans ¿cuántos meses hay que esperar? ¿Combien de mois il faut attendre? Maintenant, pour vous familiariser avec le jour de la semaine en espagnol, voici deux exemples. Samedi se dit el sábado, S, accent aigu, B-A-D-O. Notez bien que l'on dit el sábado et non sábado tout seul. Remarquez aussi la ressemblance de sábado avec le mot Shabbat, qui est le repos qui observe les Juifs le samedi. Dites-moi alors, il arrive samedi. Littéralement, il arrive le samedi. Llega el sábado. Llega el sábado. Le mot mardi, comme vous savez peut-être déjà, vient du nom du dieu romain de la guerre, Mars. Hein? Le nom de ce dieu est Marte, en espagnol. Donc, mardi se dit el martes, M-A-R-T-E-S. Comment diriez-vous alors « il est arrivé mardi » Llegó el martes. Llegó el martes. Pour connaître les autres jours de la semaine, consultez le livret accompagnant cette méthode et créez vos propres exemples. Après ce petit aparté sur les jours de la semaine, revenons à « para » que l'on utilise pour indiquer un délai. Si, comme vous le savez, lire se dit « leer », L-E-E-R, comment donnez-vous l'ordre à plusieurs personnes que vous voyez ? Lisez. Lean. Lean. Pour exprimer les vouvoiements pluriels, on utilise la même forme que « il ou elle » au pluriel. Donc, pour « leer », on a « leen ». Comme ici, on donnait un ordre, on change de terminaison. On est donc passé de « leen » à « lean ». En utilisant « lean » et « para », comment diriez-vous ? Lisez ce livre pour mardi. Lean este libro para el martes. Lean este libro para el martes. Nous verrons un peu plus loin d'autres utilisations de para et nous expliquerons aussi comment utiliser por. Pour plus d'informations, veuillez consulter le livret accompagnant cette méthode.